une histoire particulière. Hier, dans le premier épisode de votre histoire particulière du week-end, Lenora Krief et Anne Pérez Franchini vous ont raconté le voyage de Zita. Philippine d'origine, elle quitte son pays pour tenter de trouver du travail en France. Elle nous raconte son voyage, enfermée dans un fourgon, un voyage épuisant, traversant des fleuves à pied, de l'eau jusqu'aux épaules, en plein hiver, entourée de passeurs peu bienveillants. Enfin arrivée en France, elle devient une employée domestique exploitée. Il faut savoir que 80% des employés domestiques dans le monde sont des femmes. Et selon une étude de l'Organisation internationale du travail, menée en 2010, seuls 10% des travailleuses bénéficient de la même protection et droits du travail que les autres travailleurs. Découvrons maintenant comment Zita va se défendre bec et ongles dans le second épisode. J'ai parti en 2010, travaille à Singapour. 5 ans Singapour, et après je vais à Copenhague. Après Copenhague, je travaille à Opère. Et après Opère, j'ai parti en France, à Paris. Et aujourd'hui, vous gardez 3 enfants. 3 garçons. Pour quelle raison vous êtes partie des Philippines? Mon parent travaille dans une plantation pour sucre. Et mon argent, ce n'est pas beaucoup. Moi, j'ai besoin de beaucoup d'argent pour ma famille. Je suis professeure en Philippines. Ce sont des femmes autonomes, fortes, volontaires, avec beaucoup de caractère. Pour certaines d'entre elles arrivent à faire venir leurs enfants. Je pense à Vénus. Elle m'a demandé d'aider ses enfants qui ont 13 et 14 ans. I dream, c'est quoi dream? J'ai rêvé de quelque chose, j'ai un but à atteindre, il faut que j'aille. Le destin de Zita, un combat de femmes. Un documentaire de Lenora Krief, réalisé par Anne Pérez Franchini. S'occuper du ménage, de la propreté, de l'entretien de la maison, des enfants, des personnes âgées, ou bien même des handicapés, l'ensemble de ces tâches que l'on effectue au domicile représente ce qu'on appelle le travail domestique. Et c'est justement parce que ces emplois s'effectuent au domicile, dans un lieu privé, qu'il n'y a pas d'inspection du travail possible. Pour cette raison, Sandrine Rousseau, chercheure et spécialiste de la lutte contre les violences sexuelles, soutient que le travail domestique n'est pas un travail comme les autres, qu'il n'ouvre pas les mêmes droits. Travail au noir, sans papier, salaire en deçà du minimum national, heures supplémentaires non payées, exposition à la toxicité des produits ménagers, au risque de violences sexuelles, beaucoup de travailleuses domestiques endurent une situation inacceptable. L'immigration philippine en France a commencé à la fin des années 1970 en provenance de pays du Moyen-Orient qui connaissaient à cette époque des troubles. Lorsque la guerre a éclaté au Liban en 1975, puis la révolution iranienne en 1979, de nombreux employés domestiques philippines ont accompagné en France leur employeur venu s'y réfugier et beaucoup y sont restés par la suite. Zita Kabeobra, qui a elle-même subi de graves exploitations, est aujourd'hui secrétaire générale des salariés des services à la personne du syndicat CFDT en Île-de-France. Dans la communauté philippine, son pays d'origine, elle est devenue une référence pour ces femmes. Zita Kabeobra, on se trouve ici dans votre bureau à la CFDT. Ça fait combien de temps maintenant que vous occupez ce poste de secrétaire général du syndicat des assistantes maternelles et salarié de service à la personne? Ah, ça fait combien de temps? C'est depuis octobre 2003 que je suis secrétaire générale et que je suis élue. Je suis réélue à chaque fois, en fait, depuis ma première élection. Alors, quel est votre rôle et votre mission ici? Ma mission, c'est d'organiser ces salariés, revendiquer la convention collective et faire appliquer. Donc, mon rôle, c'est aussi de leur dire que voilà, c'était aussi mon métier, d'une part, et que c'est très important de leur dire que voilà, j'étais dans ce métier et que je sais ce que c'est. Et qu'aujourd'hui, je suis là pour vous informer l'importance de connaître les droits et aussi, en tant que professionnel, qu'est-ce que ça veut dire. Vous recevez donc beaucoup de travailleuses domestiques philippines? Oui, parce que je parle la même langue et que ça facilite de comprendre, car la plupart, il y a vraiment la barrière de la langue. Non, parce que je fais partie quand même de ces personnes qui partaient à l'étranger. Moi, ce que je dis, c'est si il y a de moyens de vivre dans mon village, je n'aurais pas parti. Non, mais il y a beaucoup de moyens de fournir un travail là-bas. Pourquoi les revenus sont si faibles? C'était parce que c'est les mafieux. C'est des mafieux qui circulent à l'intérieur et qui le piquent l'argent au lieu de payer les travailleurs. Voilà, c'est ça ce qui se passe. Et le résultat, c'est que certaines femmes diplômées, donc institutrices, sages-femmes, infirmières, elles partent. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui viennent me voir. Je n'ai pitié d'elles. Elles viennent me voir, elles me présentent un contrat de travail de garde d'enfants, alors qu'elle est infirmière au pied. Elle est institutrice là-bas. Quand je disais, tu es diplômée là-bas, mais qu'est-ce que tu fais ici? Maintenant, je n'ai pas le choix, je ne gagne pas ma vie là-bas, donc voilà, il faut que je trouve ailleurs. Je gagne plus en tant que travailleuse domestique que d'institutrice au pied. Voilà. Sur place aux Philippines, il y a beaucoup d'agences qui s'occupent de former les femmes justement pour ce métier. Et dans quelles conditions est-ce qu'elles partent? Elles partent avec un visa? Aujourd'hui, est-ce que c'est mieux organisé qu'avant? Ça dépend. Là maintenant, avec le président actuel, il y a beaucoup d'agences qui se ferment. Parce que malgré quand même l'attitude du gouvernement actuel, le président, au niveau diplomatique, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, mais d'un côté, il a quand même fait un geste pour condamner les agences illégales au pays. Et qu'il a même annoncé que les Philippins, les femmes, plutôt, les travailleurs domestiques, abusés en Koweït, seront retournés au pays. On parle d'un cas terrible, c'est en février, oui. La découverte du cadavre d'une travailleuse philippine dans un congélateur du Koweït, oui. Et qui a donc provoqué une crise ouverte entre Manille et l'Émirat du Golfe. Mais ce n'est pas nouveau. On dénonce depuis déjà un moment. Je reçois les messages de pays du Golfe que voilà, je suis vendue par mon employeur, je suis violée par plusieurs, etc. En 2014, le président Aquino est venu ici. Quand la journaliste de la presse présidentielle m'avait posé la question, qu'est-ce que je voulais? Je disais, je voulais que l'envoi des travailleuses domestiques dans le pays de Golfe s'arrête complètement. Ça, j'ai déjà dénoncé depuis 2014. Il ne faut pas attendre que les cercueils arrivent avec des travailleurs domestiques envoyés dans d'autres pays. Il ne faut pas attendre ça. Ça, j'ai déjà dit. They treat us as slaves because they're paying us. We need to work for it. We're not a machine. We are also a human being which is tired. This week, we're looking at the plight facing the hundreds of thousands of immigrant housekeepers in Hong Kong. With working weeks in excess of 70 hours and flat rate pay of just over 350 euros a month, it's a tough life. Many of the girls who end up in Hong Kong come from Indonesia or the Philippines. Our presence here is to make sure that the voices of the domestic workers are heard. Les femmes philippines, elles s'orientent vers quel pays généralement pour devenir travailleuses domestiques? Justement, c'est la plupart, c'est le pays de Golfe, Hong Kong, Singapour. Le problème, c'est qu'ici en Europe, ce n'est pas ouvert pour les travailleurs domestiques. Vous savez, on arrive ici, on a de la chance d'avoir un permis de travail pour travailler légalement, mais ce n'est pas ouvert pour recruter des travailleurs domestiques. Ce n'est pas un pays d'accueil pour avoir des travailleurs domestiques venant dans notre pays d'origine. Et vous, Zita Cabeobra, vous encouragez justement les femmes philippines à apprendre le français. Et vous avez d'ailleurs organisé des cours dans le cadre de votre association avec un ancien professeur de la Sorbonne, Guy Toiti. Oui, j'ai fondé une association qui organise ces cours de français tous les dimanches depuis environ 8 ans déjà. parce que je pense que la clé pour avoir un avenir meilleur, c'est de parler la langue dans le pays où nous sommes, surtout où on travaille. Donc j'ai exigé, j'ai insisté avec les compatriotes d'apprendre le français, j'étais comme ça aussi, je viens de là, donc je vous apprends ce que j'ai appris. Et pour avoir un meilleur travail, il faut savoir parler, il faut savoir communiquer. Bonjour à tous. Bah, à toutes en fait, hein. Et tous. Donc le moment est arrivé, on peut le dire comme ça. Donc c'est la remise de vos diplômes. Et on le remercie d'ailleurs de nous avoir accompagnés tout au long de l'année, hein, qui a consacré son temps. J'espère que ce que vous avez appris vous donnera une bagage pour marcher tous les jours, hein, dans votre vie professionnelle et personnelle. C'est assez extraordinaire ce qu'elle fait, franchement. Je ne connais pas d'autre qu'une communauté venant de pays étrangers en France qui agissent de la même façon, avec une telle efficacité. C'est très bien organisé. Il y a une espèce de communion entre les Philippins qui m'épate. Moi, je trouve qu'il y a une solidarité incroyable. C'est un travail extraordinaire. Et donc, tous les dimanches, 4 heures de cours avec les Philippins. Voilà. On va commencer. Donc, Guy, tu as un petit mot pour les élèves? Oui, je vais me lever quand même. Bon, moi, je suis très content et très fier du travail que vous avez accompli. Je vous félicite toutes et j'espère retrouver l'année prochaine certaines d'entre vous. Vanessa Bautista. Beaucoup d'entre elles n'ont pas de papier, comme on dit. Et donc, elles ont des démarches à faire souvent auprès de la préfecture de police. Et on leur demande à chaque fois de justifier d'une connaissance de la langue française. Donc, ce diplôme a quand même une valeur importante pour elles. Activer le processus de régularisation de toutes ces Philippines. Et quand elles vont à la préfecture de police, moi j'ai eu des rapports de discussion avec les responsables administratifs. C'est assez costaud, hein, c'est du solide. On leur pose des questions et si elles ne répondent pas en français, leur dossier est retiré, rejeté plus ou moins. Au début d'année scolaire, Madame Obra, Zita, explique très, très concrètement pourquoi cette formation, à quoi ça peut servir. C'est pas seulement s'intégrer dans la communauté culturelle française, c'est aussi régler des problèmes cruciaux pour elle, à savoir avoir un permis de séjour ou autre chose. Crisel, mais vous êtes toute timide aujourd'hui. Et vous êtes à Paris depuis combien de temps, combien d'années? 200. Deux ans. Deux. En tout cas, bravo, parce que en deux ans, c'est impressionnant comme vous avez appris vite. Félicitations. C'est très, très bien. Merci, monsieur. Bravo. Il y a tout un travail de base à faire en début d'année. Donc, il y a un travail de phonétique absolument nécessaire au départ. Ensuite, un problème que je ne connaissais pas, le genre. Parce que j'ai appris qu'en tagalog, en fait, il n'y avait pratiquement pas d'articles. Ce sont les deux grandes difficultés, difficultés majeures. Il y a un autre problème aussi qui freine peut-être l'acquisition de ces connaissances. C'est que la majorité d'entre elles ne comptent pas s'installer en France. Les conditions de travail importent peu. L'essentiel, c'est de gagner de l'argent. Et elles ont des projets. Elles m'en parlent. Par exemple, certaines sont en train de construire une maison aux Philippines. Certaines travaillent pour que leurs enfants puissent aller à l'université, ce qui coûte cher aux Philippines aussi. C'est un véritable sacrifice qu'elles font pour le bien-être des autres, en fait, de la famille, et même certaines pour le pays. On croit dans une destinée heureuse des Philippines, bien qu'elles ne parlent pas de politique. On a peur de parler de politique. quand on a peur de parler, c'est qu'il y a un sérieux problème. La Philippine est un pays dirigé par un dictateur, et ça se sent. Leurs familles sont là-bas. Je pense qu'elles craignent des représailles si elles critiquaient le régime qui est en place en ce moment. Donc elles n'en parlent pas. Alors elles se sacrifient. J'ai eu des élèves qui ont un parcours absolument diabolique, quoi. Beaucoup de Philippines ont transité par les États du Golfe. Et là-bas, elles ont été terriblement maltraitées. J'ai eu comme élève une dame d'un certain âge déjà, qui a été quasiment torturée en Arabie Saoudite, à qui, comme on le fait à tout le monde, on avait enlevé les passeports, et qui, par le biais d'une ONG, a pu se libérer de cette tutelle lourde qui pesait sur elle en Arabie Saoudite. Quand vous voyez une avocate philippine qui devenir femme de ménage dans le 16e arrondissement de Paris, parce qu'en tant que femme de ménage, elle touche plus que ce qu'elle gagnait en tant qu'avocate à Manille, ça fait peur. Donc elles ont un parcours initiatique à la vraie vie, à la vie, qui est parfois très, très, très douloureux. Elles n'en parlent pas non plus. Elles sont d'une humilité, d'une dignité assez exceptionnelle, vraiment. C'est comme ça. It's life. Ben, c'est comme ça, c'est la vie. Zita Kabayobra, aujourd'hui, en tant que secrétaire générale des salariés à la personne, vous recevez beaucoup de travailleuses domestiques en difficulté dans votre bureau. Quels sont les cas que vous rencontrez le plus souvent ? Les salaires impayés. Je travaille à plein de temps, mais j'ai déclaré que la moitié. Voilà. Ou alors, j'ai pas de papier, mais mon employeur me déclare. Qu'est-ce que je fais? Donc, on accompagne aussi de la régularisation des salariés sans papier, ce qu'on appelle, parce qu'en fait, ils déclarent, ils paient des charges, ils participent à la vie française. Donc, ça, c'est aussi une de mes luttes. Comme vous, à l'époque, elles ont aussi tendance à s'attacher aux enfants qu'elles gardent. Et c'est aussi pour ça qu'elles vivent assez mal un licenciement, souvent. Oui, je rencontre même les femmes qui travaillent pendant 10-15 ans chez l'employeur et que l'employeur même ose à faire démissionner cette personne et que la salariée n'ose pas se battre pour demander ses droits, c'était parce qu'il est rattaché aux enfants. Bah, des fois, ça m'a énervée, hein. Je disais, écoutez, à partir du moment que vous avez un contrat de travail, vous êtes professionnel, il n'a aucun cas que vous faites partie d'une famille, d'un employeur. Je disais, c'était mon cas. Et que pourquoi je suis là aujourd'hui et pourquoi je continue ma lutte. C'était parce que vous avez votre propre convention collective, vous avez un contrat de travail, vous avez un bulletin de salaire, vous êtes payé par rapport au travail que vous effectuez. La plupart aussi, c'est des travailleurs au service des diplomates, par exemple. Récemment, j'ai reçu un cas. C'est nouveau parce qu'en fait, la plupart, c'est Arabie Saoudite ou alors Liban, voilà. Et que là, c'est la première fois que j'ai reçu une personne employée par un diplomate. C'était ambassadeur turc. Hein. On exerçait ici en France. Dans son contrat de travail, c'est marqué qu'il devait être payé 1200 euros, sachant que la femme de l'ambassadeur paye la salariée que 700 euros. Un jour, apparemment, quand il demandait « Ben oui, mais attends, j'insiste que vous payiez le complément de mon salaire. » L'employeur dit « Ben, si vous ne voulez pas le 700 euros, vous n'avez qu'à partir. » Il est parti. J'ai son contrat de travail. Effectivement, j'ai vu que c'est 1200 euros et que c'est même dit à un article de contrat de travail que quelle qu'en soit la nature de la rupture. Donc là, je peux intervenir. La seule chose qui m'empêche peut-être, c'est que l'employeur est protégé par l'immunité diplomatique. Elle peut me dire que voilà, madame, je suis protégée par l'immunité diplomatique, donc j'ai rien à payer. Parce que ça se passe toujours comme ça. On a entamé une procédure aussi avec ce dossier-là. Ce cas, en fait, il gardait un jeune homme handicapé. C'est le fils apparemment du diplomate. Il travaille en permanence avec son repos. Il est payé que 200 euros. Quand il a demandé à l'employeur qu'il a besoin plus que 200 euros, l'employeur a dit il faisait que des promesses en fait. Donc ce qu'il avait fait, c'est qu'il est parti directement au prud'homme. Évidemment, le prud'homme, il ne va pas traiter un dossier comme ça. Le greffier a dit que ce n'est pas ici, il faut aller au commissariat. Il y a aussi quelqu'un qui est encore orienté, que voilà, il faut voir Zita, parce que c'est Zita qui aide, elle me prenne comme Marie-Thérèse, comment s'appelle ça, c'est elle m'appelle même Mama Zita, quelque chose comme ça, dans la communauté. Et donc, elle est venue me voir, elle m'a raconté ce qui s'est passé. Et donc, après, on a constitué le dossier. On a gagné au prud'homme, on a gagné à la cour d'appel. L'employeur n'a toujours pas voulu de payer. Jusque maintenant, le dossier est en cours. Mais on a aussi un dossier d'un diplomate, lequel on a gagné au tribunal, voilà, jusqu'en cours de cassation. Une femme qui gagne 200 euros en travaillant de 8h à 3h du matin, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, c'est l'esclavage. Mais ça arrive quand même assez peu souvent. Ça arrive parce que, en fait, c'est l'ignorance du droit de ce salarié, parce que, en fait, soit son contrat de travail qui est rédigé dans son pays de départ s'y indiquait 200 euros et que dans le pays d'accueil, il ne savait pas aussi le montant de salaire minimum à avoir. Donc il y a ça aussi. Ce sont des femmes qui partent avec un contrat... Depuis les Philippines. Depuis les Philippines. Mais est-ce que ce contrat, il est honnête ou pas à la base? Justement, il est mal rédigé. Il est mal rédigé. Par contre, le gouvernement philippin valide pour que ces femmes partent avec leurs employeurs. Voilà. Et ça, c'est inacceptable. Et c'est pourquoi je milite aujourd'hui à la ratification de la Convention internationale du travail. C'est parce que je prépare un projet pour montrer au gouvernement philippin que voilà, il y a un minimum quand même de droits à mettre dans un contrat de travail, préparer un modèle de contrat en appliquant la Convention internationale du travail pour que ces droits de ces travailleurs soient enfin respectés. Voilà ce que je voulais. Heureusement, le gouvernement philippin a ratifié la Convention. I've been a domestic worker for about 15 years, almost 15 years. I started working as a domestic worker since 1999. So I had to sacrifice my life for them. They're like dogs. Because some domestic helpers, they don't have enough food. We work us 24 hours sometimes. Quel est votre combat à vous aujourd'hui, Zita Kabeobra? Mon combat d'aujourd'hui, c'est déjà protéger les travailleurs domestiques, protéger ma profession d'origine, de lutter contre la discrimination. Il y a le trafic des êtres humains pour le travail. Il y a l'esclavage. La ratification de la Convention internationale des travailleurs domestiques par l'Organisation internationale du travail, c'est une de mes combats. Pourquoi? Parce que ici en France, ils ne sont pas encore ratifiés cette convention, alors qu'il y a beaucoup de salariés encore qui ne sont pas encore couverts par minimum de couverture sociale, par exemple, ou alors le salaire. Moi, ce que j'ai dit à chaque fois, ces emplois-là, j'ai fait un discours dernier congrès et que je disais, c'est des salariés de confiance à qui on confiait nos clés de tous les jours, la vie de nos parents âgés, de nos enfants. Donc, c'est vraiment un métier utile au quotidien des Français. Si je parle dans le monde entier, des humains. Voilà. C'est difficile parce que ça fait combien d'années qu'on appelle à la ratification ici en France, donc on n'a toujours pas eu de réponse. Mais j'expliquais le jour de la journée internationale des travailleurs domestiques. Heureusement, il y a une journée qui était déclarée C'est une reconnaissance de cette profession, mais ça ne suffit pas pour une reconnaissance totale comme tous les autres salariés. Je pense que c'est important de mettre en valeur ce métier-là et de faire sortir justement de ces salariés dans l'invisibilité et de leur précarité. Vous aimeriez retourner vivre aux Philippines ? Je pense que ma vie est déjà en France. Je ne pense pas retourner définitivement là-bas. Je pense que je suis vraiment intégrée à ce que je fais actuellement et que je voulais encore faire quelque chose. Je ne sais pas plus tard. Vous êtes, j'imagine, très sollicitée, mais même en dehors de votre bureau. Beaucoup. Je dois défendre. Je suis un peu partout. Là, récemment, je suis invitée à témoigner au Parlement européen, aux Nations Unies. Mais bien avant, j'étais aussi dans d'autres conférences, justement pour parler, dénoncer. Parce que, en fait, ce genre de pratique, il n'y a pas d'autre solution que de dénoncer. Et vous vous imaginez, à l'époque où vous étiez travailleuse domestique aux Philippines, appartenir un jour au monde politique et mener un tel combat ? Oui, je n'aurais pas imaginé. Voilà, d'ailleurs, quand j'étais élue secrétaire générale, je disais, non, est-ce que je suis en train de rêver ? Est-ce que, je n'aurais jamais imaginé d'être là aujourd'hui. Déjà, en pensant victime d'esclavage... Aujourd'hui, poursuit son combat de beaucoup de dossiers. C'est, pour moi, c'est incroyable. C'est une expérience incroyable. Comment c'est perçu par votre famille aux Philippines ? Je ne pense pas qu'ils comprennent déjà, parce que le regard, ils le savent que je travaille comme ça, j'interviens un peu partout, mais ils ne savent pas vraiment la réalité de mon activité. Donc, même si je raconte, je ne pense pas qu'il arrivera à comprendre. No woman, no cry. Boom, boom, boom. No woman, no cry. C'était Le destin de Zita, un combat de femmes. Un documentaire de Lenora Krief, réalisé par Anne Pérez Franquini. Prise de son Olivier Leroux et Yves Lehors. Mixage Claude Nior. Coordination Christine Bernard. Avec Zita Kabé au bras, Guy Toiti et Julie. Particulière, c'est fini. Je vous retrouve samedi prochain à 13h30 pour vous parler d'un autre destin hors du commun. Mais c'est une autre histoire.